D'autres occupations m'appellent. Si tout va bien, je vous reviendrai à l'automne avec de nouvelles émissions. En attendant, vous pourrez continuer à nous suivre sur notre blog et sur audiolibris.net. Je vous rappelle, comme d'habitude, que toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodrama via notre blog à l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. Bon été. À la prochaine.